Le journal sud-coréen Une Nation a présenté le 25 courant un éditorial pour critiquer la tentative de Park Geun-hye pour ajourner la décision du projet de destitution.